Il faut ranger ta poupée bien gentiment au fond du grenier. Ce n'est plus le temps de jouer. Écoute-moi, je dois te parler. Le printemps est fini, ma belle. Te voilà bientôt demoiselle. Et en te regardant, je vois ta maman. Il faut ranger ta poupée bien gentiment au fond du grenier. Sortons tous les deux, les gens nous prennent pour des amoureux. Le printemps est fini, ma belle. Te voilà bientôt demoiselle. Et tu vas maintenant sur le chemin des grands. Il faut ranger ta poupée au fond du grenier. Je sais que tu l'aimais bien. Je comprends que tu aies du chagrin. Le printemps est fini, ma belle. Te voilà bientôt demoiselle. Mais ne t'inquiète pas, tu sais que je suis là. Au fond du grenier, je sais qu'un jour loin de moi, un garçon t'emportera. C'est l'été qui commence, ma belle. Et quand tu vas partir, ma belle, il ne me restera pour me parler de toi.